بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لونجا الله سبحانه وتعالى pour ses bienfaits avec lesquels il nous comble. Et louange à Allah subhanahu wa ta'ala nuit et jour de d'avoir fait de nous des soumis à lui et de nous avoir fait connaître la voie de son messager alayhi salatu salam, celle de ses nobles compagnons, de ceux qui les suivent à la perfection. Ah, c'est une autre assise parmi les assises du rappel concernant les sagesses et buts du jeûne. Avec le but surtout de ces assises, c'est de lier nos adorations avec l'un des principes fondamentaux, le principe fondamental de cette religion qui est le monothéisme. Et de nous lier aussi avec la compréhension du livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu salam selon la voie et la compréhension de nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Car la religion d'Allah ne serait comprise qu'avec cette compréhension. Il n'y a pas 50 000 compréhensions. Il n'y a qu'une seule. Celles qu'ont léguées les nobles compagnons, radhiyallahu alayhim, à leurs successeurs, qu'ils l'ont léguée à ceux qui les ont succédés, et ainsi de suite, dans une chaîne de transmission qui n'a pas de faille. Chaque maillon de la chaîne est lié à l'autre, jusqu'au messager alayhi salatu salam, jusqu'à Jibril, jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là la religion pure d'Allah subhanahu wa ta'ala, celle que nous demandons dans chacune de nos prières, celle que nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala, pour laquelle nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir dessus dans chacune de nos prières. Guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de ses bienfaits. Nous avons vu auparavant que Siyam veut dire l'abstention. Ça au niveau de sa signification linguistique. On dit de quelqu'un, il jeûne la parole. Amsaka anil kalam. Ça veut dire il parle pas. Hein? Amsaka anil mashi. Il marche pas. Il veut pas marcher. Il s'est abstenu de marcher. Ça au niveau de la langue arabe. Mais au niveau de la législation, la signification est autre. C'est une abstention précise, spécifique, à un moment bien précis et bien spécifique, sur certaines choses bien spécifiques. Enfin, nous avons vu donc auparavant que Siyam veut dire l'abstention dans sa signification linguistique. On dit je jeûne la parole, c'est-à-dire je parle pas. Donc le fait que le musulman s'abstient de manger, de boire et d'avoir des rapports avec ses épouses ou leur substitut, c'est-à-dire le substitut de la nourriture ou de la boisson ou des rapports, parce qu'ils ont leur substitut. C'est pour ça que les hommes de science rajoutent à ça la nourriture, l'abstinence de la nourriture, de la boisson et des rapports et de leurs substituts. Hein? Quelqu'un qui est sur un lit et à qui on injecte des vitamines dans ses veines, il a pris quelque chose qui nourrit son corps. Donc c'est une substitution à la boisson et à la nourriture. Quelqu'un qui se masturbe, c'est une substitution à l'acte. Hein? Donc les choses, il y a les choses qui sont interdites, il y a aussi leurs substituts qu'il ne faut pas oublier. Hein? Donc le fait que le musulman s'abstienne de manger, de boire et d'avoir des rapports avec ses épouses, cela ou leurs substituts, cela c'est le jeûne légiféré. Mais la réalité du jeûne, c'est le fait de s'abstenir de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Donc si on s'abstient de manger, de boire et d'avoir des rapports avec nos épouses durant les journées de Ramadan, alors que cela est autorisé et il est licite en dehors du mois de Ramadan, en priorité on doit s'abstenir de tout ce qui est illicite. Il y a les annulatifs que connaissent les gens qui sont les annulatifs concrètes auxquels beaucoup de gens font attention. La boisson, etc., les rapports, etc. Mais il y a autre chose qui sont les annulatifs symboliques qu'appelle Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayh, les annulatifs symboliques. Le mensonge, la médisance, faites de zioter n'importe quoi, d'écouter n'importe quoi, de dire n'importe quoi, toute forme de désobéissance. Celle-ci, il est interdite pendant Ramadan et en dehors du mois de Ramadan. Et pendant le mois de Ramadan, c'est encore plus. Car si les récompenses augmentent pendant les saisons méritoires, il faut savoir aussi que les péchés dans les lieux méritoires et dans les moments méritoires sont aussi très graves pour la personne. Donc le jeûne, dont la législation, c'est une abstention particulière qui doit être vouée à Allah subhanahu wa ta'ala, comme le veut Allah subhanahu wa ta'ala. L'abstention de nourriture, de boisson, de rapport charnel avec ses épouses est aussi s'éloigner de ce que je viens de dire que l'imam al-Albani rahmatullah alayhi appelle les annulatifs symboliques. C'est-à-dire tout ce que j'ai cité auparavant comme péché, comme désobéissance à Allah, comme médisance et ainsi de suite, et comme tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et n'agrée pas. Hein? Et cette abstinence doit se faire conformément à la législation de Allah subhanahu wa ta'ala, pour Allah et conformément à ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et non comme je ne dois pas jeûner comme moi je veux, ou comme ça me plaît, ou comme ça me convient. Abadan. Et durant le temps, et ce jeûne doit se passer durant le temps, la plage horaire que Allah subhanahu wa ta'ala a légiférée et décrétée, qui est l'apparition de l'aube véridique jusqu'au coucher du soleil. Il n'est pas permis à qui que ce soit de ramener sa raison et de dire entre l'apparition de l'aube véridique et le coucher de soleil il y a 15 heures. Ben, selon mes conditions de travail, ben, je vais jeûner de 18 heures jusqu'à 11 heures du matin, par exemple. Je vais m'abstenir de boire, de manger, d'avoir des rapports. Certes, il s'est abstenu. Mais est-ce que c'est ce qu'il lui est demandé? Abadan. Il a fait ce qu'ils appellent maintenant à la mode le jeûne intermittent. Hein? Pour maigrir, etc. Donc, hein? Et impossible. La législation est décrétée par Allah. Et notre raison ne doit pas s'immiscer dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Certes, celui qui s'abstient de boire et de manger et d'avoir des rapports charnels avec ses épouses, en dehors du temps légiféré et le temps spécifique à cela, il est considéré ayant jeûné. Hein? Mais son jeûne n'est pas conforme. Il n'aura aucune récompense. Et s'il joue avec ça pour l'obligation du mois de Ramadan, ben ça y est, sa perte est énorme. Le jeûneur est celui qui s'abstient de façon spécifique de certaines choses bien spécifiques, ou un temps bien spécifique. Partant de là, il apparaît clairement l'importance d'être lié avec le livre d'Allah, l'authentique de la Sunna, et la voie et la compréhension de nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Donc la signification du siyam dans la législation, c'est l'abstention comme sa signification dans la langue arabe. Sauf que dans la langue arabe, c'est une abstention absolue. Alors que dans la législation, il est conditionné selon certaines conditions et selon temps. Hein, l'abstention comme cela est déterminée, c'est une abstention de la nourriture, de la boisson et des rapports avec les épouses, mais comme nous l'avons vu auparavant, dans une autre assise, que il est légiféré de faire des câlins à sa femme, de lui faire des bisous parce que le prophète il le faisait. Mais ceci est conditionné par le fait de se maîtriser. Aïcha radiallahu anha wa arda'a nous annonce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam embrassait ses femmes durant le mois de Ramadan, alors qu'il était en état de jeûne. Mais il a dit, il était parmi vous celui qui se maîtrise le plus. Un jour, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est assis dans la mosquée. Un jeune est rentré. Il lui a dit, « Ya Rasulallah, j'embrasse ma femme en état de jeûne. » Il lui a dit non. Il s'est assis. Une personne d'un certain âge est rentrée. Il lui a dit, « Ah, Rasulallah, j'embrasse ma femme en état de jeûne. » Il lui a dit, « Oui. » Les nobles compagnons de Allah se sont changés le regard entre eux. Évidemment, le prophète a capté la scène. Il leur a dit, « Le vieux, il se maîtrise. Quand tu jeûnes, non. Hein? » Donc, si on a peur d'aller trop loin, on s'abstient. Parce qu'après, la douloureuse arrive. Hein? Comme il n'y a pas d'esclaves à libérer, il reste quoi? Deuxième, nourrir, jeûner 60 jours successifs. 60 successifs. C'est pas 30, c'est pas 10, c'est pas 2, c'est pas 3, c'est 60. Hein? Donc de là, il faut faire très attention. Hein? Si on a peur et que nos envies, hein, on est emporté par ses envies, il vaut mieux s'abstenir. Hein? Donc le jeûneur s'abstient de boire, de manger, d'avoir des rapports conjugaux ou leur substitut, avec l'intention de l'adoration, de l'apparition de l'aube véridique au coucher du soleil. Une fois que le soleil se couche, il mange, boit et prend son plaisir dans le halal comme il veut, jusqu'au lever de l'aube véridique. La preuve est ce qui est dans la traduction approximative du sens du verset qui dit, dans Surat al-Baqarah, dans les versets concernant le jeûne, « Buvez et mangez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube, du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la fin de la nuit. » Jusqu'à la nuit. La nuit commence quand? Au coucher du soleil. Une fois que la dernière partie du soleil s'est couchée, khlas, la nuit est rentrée. Hein? Donc le jeûneur doit rompre son jeûne. Et on prend aussi l'autorisation des rapports conjugaux le soir avec son épouse jusqu'à l'apparition de l'aube véridique, dans la traduction approximative du verset qui est aussi qui se trouve parmi les versets du jeûne. Il vous a été permis, la nuit du jeûne, d'avoir des rapports avec vos femmes. Hein? Concernant le fil blanc et le fil noir cité dans le verset, certains nobles compagnons radouanullahi alayhim avaient compris que la nuit, il faut distinguer le fil blanc concret du fil noir. Ainsi, ils l'ont compris. Certains parmi eux radouanullahi alayhim avaient deux corps, d'une blanche et une noire. Ils la regardaient. Oui, ils s'endormaient. Après, ils se lèvent et regardent. Est-ce que le fil blanc, il arrive à distinguer le noir du blanc? Tant qu'il n'y arrive pas, ben il peut manger, il peut avoir des rapports avec sa femme. Et ceci a été rapporté au prophète, alayhi salatu wassalam. Il a dit à l'un d'entre eux qui agissait ainsi, radouanullahi alayhi majma'in. Hein? Donc, wisadatuka arida, ça veut dire, ton oreiller est large, est vaste. Il contient l'horizon. Ce qui veut dire, c'est que ton oreiller contient alors l'horizon. Hein? Parce que ce qui est voulu avec, c'est les lueurs de l'aube, la blancheur, cette blancheur qui commence, qui part horizontale dans le ciel, hein, au moment de l'apparition de l'aube véridique. Et c'est pour ça qu'après, il y a eu le seul mot qui est descendu tout seul dans le Coran, c'est min al-fajr. Et là, il est venu, cette phrase est venue, ce mot, min al-fajr, il est descendu à ce moment-là pour clarifier la situation. Hein? Il est le seul mot qui est descendu comme ça tout seul, dans le Coran. Hein? Et partant de là, il y a eu cette clarification, que ce qu'il faut prendre en considération, c'est les lueurs de l'apparition de l'aube véridique. Hein? Et non pas prendre une corde et deux cordes, une noire et une blanche, et commencer à voir est-ce qu'on fait la différence ou pas. Et parmi les grands et nobles objectifs, et les nobles objectifs, et les grandes sagesses du jeûne, c'est taqwa. Comme cela est clarifié dans la traduction approximative du verset, dans Sourate la Vache, il vous a été prescrit le jeûne, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, ainsi vous allez atteindre taqwa. Et dans le hadith de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, le messager d'Allah a dit, le jeûne est une protection. Et taqwa, c'est aussi une protection contre la colère d'Allah et le châtiment d'Allah. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, as-siyam jeûne, le jeûne est une protection. C'est-à-dire, c'est une citadelle de protection ou une armure pour se protéger. Et c'est une protection du châtiment d'Allah et de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est aussi une protection contre le shaitan. Pendant le jeûne, les vaisseaux de la personne rétrécissent. Donc ils rétrécissent le chemin du shaitan. Car comme il a dit le messager alayhi salatu wassalam, shaitan court dans l'être humain comme le sang coule dans ses veines. Donc dans ces cas-là, tous les passages vont être rétrécis et étroits. Donc ce qui fait que shaitan, hein, la personne est préservée. Plus de shaitan qu'en temps normal. Le verset aussi contient la cause principale de l'obligation du jeûne, qui est taqwa. Taqwa, c'est que la personne prend une protection entre lui et le châtiment d'Allah. Taqwa, c'est comme a dit Talq ibn Habib, rahimahullah ta'ala. Remonte ta main sur ta poitrine, et non pas sur ton nombril, barakallahu fik. Encore. Barakallahu fik. Donc, le verset contient la cause principale de l'obligation du jeûne, qui est taqwa. Taqwa, c'est que la personne prend une protection entre lui et le châtiment d'Allah. Taqwa, c'est comme a dit Talq ibn Habib, comme le rapporte Ibn Rajab rahimahullah, dans Jami' al-Ulum wal-Hikam, c'est mettre en application les ordres d'Allah avec preuve venant du livre d'Allah et de la sunna de son messager alayhi salatu wassalam, en espérant les récompenses d'Allah, et c'est aussi s'abstenir de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit, avec preuve venant du livre d'Allah, et en ayant peur du châtiment d'Allah. Tout ceci, on le fait dans l'espoir d'avoir la récompense d'Allah et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous et agrée nos œuvres, et aussi en ayant peur du châtiment d'Allah. En ayant peur que Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas de nous. Et taqwa, c'est quelque chose de très important dans la vie du musulman. C'est pour ça que les hommes de science disent, taqwa, c'est la synthèse de tout le bien. Taqwa, c'est l'islam complet. Taqwa, c'est la foi complète. Taqwa, c'est la bienfaisance. Hein? C'est quelque chose de très important. Et quelque chose qui émane du cœur. C'est pour ça que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit, il parlait du taqwa, il a dit taqwa hauna, taqwa hauna, taqwa hauna, et il montrait sa poitrine, alayhi salatu wa sallam. Et on peut prendre un exemple concret pour bien comprendre le jeûne et le taqwa. C'est comme les freins d'une voiture. Tu prends la voiture pour voyager ou pour sortir, tu montes avec ta famille ou avec tes frères, etc. Si la voiture n'a pas de frein, qu'est-ce qui va t'arriver? Quand tu prends les virages, que tu es lancé, etc., qu'est-ce qui peut arriver? Hein? Tu peux t'envoyer dans ta perte. Hein? Il peut arriver un accident, tu n'arrives pas à freiner. Tu peux tuer des gens dehors, tu peux tuer, il se peut que ceux qui sont à l'intérieur, toi avec, hein? Tu meurs ou hein, tu deviens handicapé pour la vie, et ainsi de suite. Mais t'as quoi? C'est ce frein qui nous permet de maîtriser notre âme et de l'arrêter là où Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit de s'arrêter. Et de s'abstenir de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de s'abstenir. Et de mettre en application ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, t'as quoi? C'est en quelque sorte pour nous un point pour nous maîtriser, maîtriser notre âme et la soumettre comme il se doit à Allah subhanahu wa ta'ala. Bah, le jeûne, il en est de même du jeûne. Le musulman vit sa vie comme tout le monde, vit une vie normale. Mais sur quelle base il doit vivre cette vie? Hein? Et qu'est-ce qui va lui permettre de ne pas tomber dans ce qui va faire sa perte? C'est taqwa. C'est elle qui va faire en sorte, c'est le moyen principal pour que il ne perd pas son bas-monde et son au-delà, pour qu'il soit heureux dans ce bas-monde et dans l'au-delà. Hein? Qu'est-ce qui peut l'arrêter? Sinon, cette soumission à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le jeûne fait partie de ces moyens qui le préservent de sa perte. Le jeûne est un moyen pour sauver le soumis à Allah, subhanahu wa ta'ala, de la colère d'Allah, du châtiment d'Allah. Et le jeûne aide le musulman à maîtriser son âme et à maîtriser son nefs et à la remettre à sa place au bon moment. Le jeûne préserve la personne de faire des choses qui vont lui prévaloir la colère et le châtiment d'Allah. Et c'est ainsi que nous devons jeûner. Le jeûne doit avoir cet effet dans notre vie. Le jeûneur, quand il a privé son nefs, et quand il s'est privé de tout ce qui est autorisé, tout ce qui est halal, à l'origine, la nourriture, la boisson, les rapports avec ses épouses, et leur substitut. Donc, il est prioritaire pour lui de se préserver de tout ce qui est haram, durant Ramadan et en dehors du mois de Ramadan. Hein? La priorité des priorités, c'est de se préserver et de s'éloigner, hein, et de s'abstenir de tout ce qui est haram durant le mois de Ramadan et en dehors du mois de Ramadan. Comme le mensonge, la médisance, le colportage, hein, le fait d'être grossier, zioter l'illicite, se rincer les yeux sur les femmes, que ce soit en image ou sur les écrans, ou les posters dans les rues, et ainsi de suite. Se rincer les yeux sur les femmes étrangères à toi, avec lesquelles tu as le droit de te marier. Il n'est pas permis de fixer le regard sur les femmes avec lesquelles on a le droit de se marier, ni de leur serrer la main pendant Ramadan ni en dehors du mois de Ramadan, ni de leur faire une accolade, ni de les serrer dans ses bras, ni de leur faire un bisou, ni de les embrasser, sous n'importe quel prétexte. C'est ma voisine, on se connaît depuis qu'on est petit, on a grandi ensemble, on jouait ensemble quand on était petit. Il n'y a aucune différence entre nos maisons et leur maison. Notre porte leur est ouverte et la sienne nous est ouverte. Il est comme ma sœur. Il est comme ma mère quand il est plus âgé. Nous sommes liés par une amitié innocente. Il y a la confiance entre nous, nos cœurs sont blancs. Abadanakh al-Islam. Ton cœur n'est pas blanc. En agissant ainsi et en mettant en application ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit, le cœur n'est pas blanc. Dans ton cœur, il y a des vipères à cornes qui vont te piquer, ils vont causer ta perte devant Allah azza wa jal. Parce que si ton cœur était blanc comme tu prétends, ben tu vas t'éloigner de ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit. Ça, c'est le cœur blanc. C'est le cœur soumis à Allah. Hein? Tu vas t'éloigner de ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit. Et tu ne vas pas t'immiscer et ramener ta raison et ta compréhension et ta logique dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété et ce qu'il faut mettre en application, comment toi tu veux le mettre en application. Abadan akhal islam. Ou alors, hein? Ce qu'on appelle maintenant le théâtre musulman, les feuilletons musulmans, etc. Et tu le vois, hein, avoir dans ses bras une femme qui est étrangère à lui, ou l'embrasser, ou lui faire l'accolade ou autre, ce prétexte qu'il est en train de jouer le rôle dans un film. Il prétend qu'il est, que c'est un film musulman, ou c'est un théâtre musulman, une pièce de théâtre musulmane. A'oudou billah. Et là, je vais m'arrêter avec ce point dans lequel les gens font beaucoup d'amalgames, dans lequel il y a beaucoup de confusion et dans lequel on patauge beaucoup, beaucoup de nos frères et de nos sœurs pataugent. Sauf ce qu'Allah à combler et à préserver, à combler de sa sainte miséricorde. C'est la signification de la femme étrangère. L'ajnabiya ank. Avec laquelle tu as le droit de te marier. L'ajnabiya, en d'autres termes, c'est celle avec laquelle tu as le droit de te marier. Hein? Ce terme étrangère, c'est-à-dire ajnabia qu'on a traduit avec le avec a étrangère. Ici, dans la législation, ce n'est pas l'américaine, ni la française, ni la hollandaise, ni celle qui a une nationalité et qui est d'une autre race que la tienne. Abadan. Ici, dans la législation, une américaine. Il peut être américaine et tu as le droit de la zioter, de la fixer du regard, car c'est ta femme, ou car c'est la mère de ta femme. Hein? Il ne s'agit pas ici de la nationalité ou de la, ou la différence de nationalité et de race. Comme il peut être de la même nationalité que toi et de la même race que toi, et tu n'as pas le droit, hein? De la regarder, d'insister sur le regard et de fixer ton regard sur elle. Parce qu'il t'est interdit. Parce que tu peux te marier avec elle. Donc, si c'est ta femme légitime et canadienne ou autre, tu as le droit de la zioter comme tu veux. Ainsi que sa mère. Et pas sa sœur. Car c'est ton épouse avec laquelle tu as eu un acte de mariage. Mais s'il n'est pas ta femme, même s'il est de la même race que toi, de la même origine que toi, du même village que toi, du même quartier que toi, du même bâtiment que toi, du même palier que toi, tu n'as pas le droit de la zioter, ni de la fixer du regard, ni de lui serrer la main. Hein? Abadan. Ni de te retrouver en tête à tête avec elle. Hein? Parce que c'est une ajnabia pour toi. Hein? Il est étranger à toi. Il faut faire très attention. Quand tu prends ton ascenseur aussi, il vaut mieux que tu restes dehors jusqu'à ce que les femmes montent. Tous ceux qui sont ajnabiettes pour toi puissent monter. Donc l'ajnabia, c'est celle avec laquelle tu as le droit de te marier. Qu'il soit vieille, qu'il soit jeune. C'est ainsi la législation d'Allah. Mais les coutumes des gens et les habitudes chez les gens, ici et ailleurs et dans les pays du Maghreb, quand la femme est plus âgée que toi, ils te disent, il est comme ta mère, il n'y a pas de mal. Et s'il est du même âge que toi, il est comme ta sœur. Et s'il est moins âgé que toi, c'est comme ta fille. Hein? Ainsi, il ne reste plus de femme ajnabia. C'est fini, il n'y a plus. Hein? Il ne reste plus de femme ajnabia dans ces cas-là. Si c'est celle qui est du même âge que toi, c'est comme ta sœur. Et celle qui est plus âgée que toi, c'est comme ta mère. Et celle qui est plus petite que toi et plus jeune que toi, c'est comme ta fille. Qu'est-ce qui reste dans ces cas-là, dans ce bas monde, comme ajnabiya? Il n'y a plus rien. On a détruit les limites d'Allah. On a détruit les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a instaurées. Hein? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Ceci est un dépassement des limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a instauré. L'ajnabiya, l'étrangère, c'est celle avec laquelle tu peux te marier, même si maintenant, il t'est interdite. Hein? Tu es marié avec ta sœur. Pour l'instant, il t'est interdite de te marier avec elle. Mais si sa sœur meurt, tu as le droit de te marier avec elle. Donc, il reste toujours une ajnabiya pour toi. D'où la grande erreur de se retrouver avec les sœurs de nos femmes, à table ou, hein, ou de leur serrer la main, ou de leur faire le bisou. C'est énorme. On transgresse les limites d'Allah. Hein? Ajnabi à l'étrangère est celle avec laquelle tu peux te marier, même si maintenant il t'est interdite de te marier avec elle. Il t'est interdit d'être en sa compagnie à l'islam, comme il t'est interdit de la fixer du regard, comme il t'est interdit de lui serrer la main. Certains ne se gênent pas d'embrasser ou de serrer la main à la femme de leur frère, ou à la sœur de leur femme, ou à sa tante maternelle, ou à sa tante paternelle. Ils ne se gênent pas de les embrasser et d'embrasser leur cousine paternelle, leur cousine maternelle, alors que ce sont des ajnabiyettes pour eux, des étrangères pour eux, avec lesquelles ils ont le droit de se marier. Hein? Si ton frère meurt, tu as le droit de te marier avec sa femme. Donc, quand il est marié avec elle, tu n'as pas le droit de lui serrer la main. Il t'est étrangère. Même s'il est marié avec ton frère. Si ta femme meurt, hein, tu peux te marier avec sa sœur. Comme tu peux te marier avec sa tante maternelle. Comme tu peux te marier avec sa tante paternelle. Donc, ces femmes, ces catégories, te restent toujours illicites, étrangères et ajnabiyettes. Hein? Et ceci est très important. Parce que beaucoup parmi nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala accomplit de sa sainte miséricorde, patauge à ce niveau-là. Hein? Il en est de même. On n'a pas le droit de fixer du regard et de se rincer les yeux sur une femme qui est mariée. Ah ben, là, baisser le regard. La première vue, khlas. Après, on baisse le regard. Comme il nous a été demandé par Allah, Azza wa Jal. Tu entends certains dire, c'est une femme mariée, il n'y a aucun mal à lui serrer la main. A'oudou billah. Cette femme mariée, si elle se fait divorcer, ou si son mari meurt, il t'est permis de te marier avec elle. Comment tu te permets de rincer les yeux, de la ziouter, et de rincer tes yeux dessus, ou de lui serrer les mains? Elle est étrangère pour toi. Malgré qu'il est marié, c'est une ajnabiya pour toi. Il en est de même concernant la sœur de ta femme. S'il t'est interdit de te marier avec elle maintenant, alors que ta femme est vivante ou que tu ne l'as pas divorcée, ben, ce n'est qu'une interdiction momentanée. Hein? Ce n'est qu'une interdiction momentanée. Car une fois que tu divorces sa sœur, ou sa sœur meurt, tu as le droit de te marier avec elle. Comme la tante maternelle, comme la tante paternelle de ta femme. Ils resteront toujours des ajnabiyettes pour toi. Hein? Car s'il t'est interdit de te marier avec elle pendant la vie de ta femme, qui est, hein, bah, une fois morte ou une fois que tu la divorces, tu as le droit de les demander en mariage. La nièce de ta femme, Une fois que ta femme meurt, tu as le droit de la demander en mariage. Donc, tu n'as pas le droit de la zioter, de l'embrasser, de rester en tête à tête avec elle. Et tu ne fais pas avoir, il y a confiance, les cœurs sont blancs, etc. Chaque fois qu'un homme est seul avec une femme, le troisième, c'est Shaitan. Celui qui l'a dit, c'est celui qui n'a pas parlé de ses propres passions, qui est le véridique, qui n'a dit que la vérité, qui est le messager, alayhi salam. La fille du frère de ta femme est sa tante paternelle, ainsi que la fille de la sœur de ta femme est sa tante maternelle. Ces deux-là te sont interdits pour toi. Une interdiction momentanée. Mais si leur tante meurt, tu as le droit de te marier avec elle. Donc il faut faire très attention qu'on n'ait pas de confusion dans les situations. Donc ils sont toujours dit à Jinabiyat. Donc, ni rincer les yeux sur elles, ni les embrasser, ni leur faire des accolades, ni leur serrer la main. Tout ceci est interdit. Il faut se rappeler le hadith du prophète, alayhi salam, à ce niveau-là. Si quelqu'un serre la main à une femme ajnabiya, c'est comme quelqu'un qui se pique une grosse aiguille qui traverse sa tête, du côté droit au côté gauche. Tu vois comme les grosses piques avec lesquelles ils fabriquaient les selles d'âne avant. Comment vous les appelez déjà? Aiguille. Barakallahu fik. Hala. Tu peux supporter ça? Abadan akhal islam. Donc on évite ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. Bien sûr, la mère de ta femme, illicite. Et illicite pour toi, éternellement. Une fois que tu es marié avec sa fille, khlas. Ya tu es son haram, y a pas de problème. Hein? Tu peux la voir, tu peux fixer le regard, tu peux voyager avec elle en étant son haram, tu peux, si la personne pour qu'il aille faire le pèlerinage, aller avec elle, et ainsi de suite. Il n'y a aucun, hein? Tout ceci est illégal parce que tu es son haram. Hein? Il en est de même pour la grand-mère de ta mère. Pour la grand-mère de ta femme, plutôt. Et ainsi de suite en amont. C'est-à-dire la mère de sa mère, la mère, hein, de ta femme et la mère de la mère de ta femme, et ainsi de suite, je compte, tout cela, ils te sont interdits. Hein? C'est-à-dire, tout cela sont des maharim pour toi. Tu peux leur serrer la main, tu peux embrasser leur tête, ou les embrasser, ou ada, ou prendre, les prendre par la main, aller avec en voyage, et ainsi de suite. Parce que ils sont considérés comme des maharim pour toi. La fille de ta femme, si tu as eu un rapport avec sa mère après avoir conclu l'acte de mariage, il devient illicite pour toi toute ta vie. Si la fille de ta femme, si tu as eu un rapport avec sa mère après avoir conclu l'acte de mariage, il devient illicite pour toi toute ta vie. Mais si tu as conclu l'acte de mariage avec sa mère et tu n'as pas eu de rapport avec sa mère et sa mère meurt avant le rapport ou tu divorces sa mère avant le rapport, dans ces cas-là, il t'est autorisé de se marier avec sa fille. Hein? Ce qui va faire l'interdiction après, Inch'Allah. Ce qui va faire l'interdiction. Tu te maries avec une femme. Tu vas, tu demandes la main d'une femme au mariage. Cette femme, il a une fille. L'acte de mariage, il est fait pour cette femme. Il est conclu, c'est khlas. Il y a eu l'acte de mariage. Si tu as le rapport, tu as eu un rapport avec sa mère, cette fille, la fille de ta femme, te devient illicite à vie. Maintenant, l'acte de mariage a été fait, mais il n'y a pas eu de rapport. La mère est morte. ou tu l'as divorcée avant d'avoir un rapport avec elle, tu as le droit de te marier avec sa fille. Hein? Mais une fois que tu as eu l'acte, il y a eu l'acte de mariage et que tu as eu un rapport avec sa mère, khlas, il t'est laissé définitivement à vie. Donc il laisse ta vie après avoir eu des rapports avec sa mère. Mais s'il n'y a pas eu de rapport avec sa mère, tu peux te marier avec elle. Et il est toujours, ajnabiya pour toi tant que tu n'as pas eu de rapport avec sa mère. Donc la femme ajnabiya, c'est toute femme avec laquelle tu as le droit de te marier. Mets-toi bien ça, la définition. Toute femme avec laquelle tu as le droit de te marier, c'est une ajnabiya pour toi. Pourquoi j'ai traité ce sujet? Car il y a beaucoup de confusion en ce qui concerne la sœur de sa femme, les cousines maternelles et paternelles. Certains ne se gênent pas de leur faire la bise, de les prendre dans leurs bras, de les fixer du regard, alors que tout ceci est interdit, car ce sont des ajnabiyats avec lesquels tu peux te marier, et qu'on arrête avec les dissertations futiles et stériles, et qu'on n'anesthésie pas notre raison. Ce sont là des limites qu'Allah a instaurées, interdiction de les dépasser. Il faut arrêter, frère en Allah, subhanahu wa ta'ala, de vouloir cacher le soleil avec un tamis. On ne peut pas. Que vous ayez grandi ensemble et que vous ayez joué ensemble, une fois pubère, khlas, il doit y avoir la séparation. Une fois même, quand les jeunes garçons font la différence, ils comprennent les rapports entre les hommes et les femmes, on doit les éloigner. Si il est comme ça entre les frères et sœurs, qu'est-ce qu'il en est contre les ajnabiyettes? Rasulullah nous a-t-il pas annoncé que quand ils arrivent à un certain âge, à l'âge de 7 ans, il faut les séparer dans les couches où ils dorment? Ça pour le frère et sœur. Qu'est-ce qu'il en est des ajnabiyettes? Cousine paternelle, cousine maternelle et ainsi de suite. Encore plus. On ne joue pas avec la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et l'ajnabiya est haram pour toi, et il est haram pour toi. Sauf si tu te maries avec elle. Et on a, sous aucun prétexte, le droit de leur serrer la main, ou de leur faire la bise, ou etc. Comme ces âneries qu'on entend. Parce que, agissons ainsi, on dépasse les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a instaurées. Et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait obligatoire. Certes, il est ta cousine, paternelle ou maternelle, mais il est une ajnabiya pour toi. Certes, il est la sœur de ta femme, mais elle reste une ajnabiya pour toi. Tu n'as pas le droit de rincer les yeux sur elle, ni de la fixer du regard. Le regard de surprise ou quand tu rentres, tu la vois comme ça, khlas, ça doit s'arrêter là. Tu dois préserver ton regard, tu dois le baisser. Tu dois quitter le lieu où il est. Celui qui a la dissertation futile et stérile te répond quand tu lui montres ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit et les limites d'Allah. Il te dit donc, je ferme les yeux. Akhi Allah ne t'a pas imposé cela, mais Allah, dans la traduction du verset approximatif, la traduction approximative du sens du verset qui dit قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Et de l'autre côté aussi, à la fin du verset, قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُّنَّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ. dans la traduction approximative, il est dit, dit aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaissant, connaisseur de ce qu'ils font. Et le verset de continuer, plus loin, il dit, et dit aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. Le premier regard est excusable, mais que tu fixes le regard et que tu te rinces les yeux, ceci est interdit. Et cette interdiction de zioter les femmes étrangères concerne aussi les photos des femmes sur les revues, sur les magazines, dans les journaux ou autres, à la télé, sur ton écran de téléphone, sur ton écran de PC. Hein? Il est interdit de regarder les femmes, de zioter les femmes, de les fixer. Wallahu al-musta'an. Et méditez comment les cœurs s'anesthésient et ne sont plus sensibles aux blâmables. Vivons dans ce genre de pays où il y a des posters de femmes nues à chaque feu rouge. Chaque point crucial, tu as une image à Oudou Billah. Au point que la jeunesse ne sent plus la douleur de la catastrophe d'avoir franchi les limites d'Allah. Et ceci est très dangereux. Pourquoi cette dureté de nos cœurs? Hein? C'est le fait de transgresser les limites d'Allah. Et dans ce genre de pays, tout est fait pour que les cœurs deviennent durs. Hein? Comme de la roque. Les exhortations sont là, les paroles des hommes de science, mais il faut des marteaux-piqueurs pour pouvoir faire rentrer quelque chose. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse sortir de ces pays, hein, sains et saufs, ainsi que notre descendance. Les hommes de science disent que la cause de la plus grande partie des problèmes conjugaux, c'est le fait que les hommes ziutent et se rincent l'œil sur les étrangères, sur les ajnabiyettes. C'est l'une des grandes causes. Il en est de même pour les femmes. Parce que la femme regarde, une fois à la télé, un homme musclé, un jeune plein de force, il se tourne, il voit son vieux qui commence à rendre l'âme. Je te dis pas après comment le traitement, comment il est. L'homme fixe son regard admirateur, comme la femme, sur la speakerine à la télé, ou l'actrice, puis il jette un regard sur sa femme, il devient triste. Et la tristesse, hein, emplit son cœur. Le pauvre ne sait pas que celle qu'il a admirée est une fabrication qui est fabriquée de toutes pièces avec des masques de peinture sur le visage, avec des lifting, avec des projections de lumière, des teintures, de cheveux, et ainsi de suite. Car en réalité, s'il rencontre cette même personne dans la rue, il va se sauver. S'il la rencontre dans la rue, sans tous ses masques, et sans tous ses lifting, etc., et ses lumières, et ses teintures, ben, il va fuir. Mais c'est ainsi que fait Shaitan des personnes. C'est ainsi que Shaitan induit les gens en erreur et les jette dans le gouffre des tentations. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Fais-en Allah azza wa jal, attache-toi à ton halal qu'Allah t'a destiné. Et sois satisfait de ce halal qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a destiné. Et implore toujours Allah de te combler de la satisfaction avec le halal avec lequel il t'a comblé, de t'éloigner du haram. Et si tu es satisfait du halal qu'Allah t'a destiné, Allah embellira ta femme à tes yeux et il sera la plus belle des femmes du monde. Et sache que la grande richesse, c'est la richesse de l'intérieur, la richesse de l'âme. Car toute femme, malgré le grand degré de beauté qu'il a, il y aura toujours plus belle qu'elle. Et ça n'arrête pas. La beauté est relative. Il n'a pas de fin. Tu vois, ah, il est belle. Ah, il est plus belle qu'elle. Ah, oui, ouais. Ça n'arrête pas. Donc, sois satisfait de la femme halal qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a prévu comme subsistance. Et tu vivras en paix. Il sera une quiétude pour toi. Et tu seras une quiétude pour elle. La même chose, la femme. En jetant du regard sur ses musclés, etc. Et ses beaux gosses, et ainsi de suite. Sois contente aussi de l'homme avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala t'a comblé. Et demande à Allah, implore Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te donne cette satisfaction. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va embellir cet homme à tes yeux aussi. Donc, et comme la richesse à l'islam, tu vois, celui-là, il est bien fortuné. Mais il y a plus fortuné que lui. Il y a plus fortuné que l'autre. Et ainsi de suite. Ça ne s'arrête pas. Hein? Les degrés sont élevés. Mais, sois satisfait à l'islam. Il sort en islam. Soyez satisfait du halal qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a destiné. Pour vous préserver du chemin du shaitan. Pour vous préserver des tentations. Et d'y voir que shaitan embellit. Donc, frère en Allah, Zawajal, il ne nous est pas permis de ziyouter les ajnabiyettes, ni de leur serrer les mains, ni de les serrer dans nos bras, ni de les embrasser sous n'importe quel prétexte, peu importe les prétextes qu'on met en avant. Là, il va dire, je reviens d'un long voyage, ça fait longtemps que je n'ai pas vu mes cousines. Et vas-y, le bisoutage, n'ta. Et la collade. La hawla wa la quwwata illa billah. Même si tu étais absent 30 ans, 40 ans, il ne t'est pas permis de faire avec, de les serrer dans tes bras, ni de leur serrer la main, ni de leur faire des bisous. Ils sont des ajnabiyat pour toi, malgré que tu aies été absent longtemps. Te fais pas avoir par shaitan. Et après, il te sort. Mais qu'est-ce qu'il va dire ma tante? Qu'est-ce qu'il va dire ma tante? Hein? Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Les gens, ils vont dire quoi? Akhal Islam, ton souci primordial doit être l'obéissance à Allah. Et que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de toi. N'oublie jamais ça. La société, la tante, l'entourage ne te serviront pas le jour où tu seras debout devant Allah azzawajal, où tu devras rendre des comptes pour tout ce que tu as fait. Donc fais très attention. Hein? L'autre dit, mon frère, j'ai 70 ans. La fille de ma tante a 80 ans. Peu importe l'âge que vous avez à l'islam, il est une ajnabiya pour toi. Il t'est interdit la collade, le bisou, serrer les mains, la fixation du regard sur elle. Hein? Et c'est encore plus dangereux chez les jeunes. S'il est ainsi pour les vieux, qu'est-ce qu'il en est pour les jeunes? Encore plus. Car le jeune, il a encore la force de tentation, etc. Et les désirs sont très forts chez lui. Hein? Comment se permettre d'embrasser sa cousine ou d'embrasser, hein, la femme de son frère et ainsi de suite? On a été éduqués ensemble, on était là, hein, depuis qu'on est petit. Arrête ces futilités, cette dissertation stérile. Même si la femme, il est vieille, indésirable, c'est une ajnabia pour toi. Imam Ibn Baz, rahimahullah, disait لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٍ. Hein? Chaque chambre qui tombe, il y a quelqu'un qui la ramasse. En d'autres termes, même si la femme est vieille et indésirable, il y aura toujours quelqu'un qui va la ramasser. Hein? Donc, il n'est pas permis d'embrasser l'ajnabiya, ni toute ajnabiya, ni de leur serrer les mains, ni, hein, sauf si la femme fait partie de tes maharim, avec lequel tu n'as pas le droit de te marier, hein, qui te sont illicites. C'est-à-dire celles qui te sont interdites à vie. Ta mère, ta tante, paternelle et maternelle, ta grand-mère, ta fille, ta sœur, la fille de ton frère, la fille de ta sœur, celles-ci te sont interdites à vie. Donc il n'y a aucun mal à leur faire la bise, à leur serrer la main, tant que tu n'as pas de sensation douteuse. Certains, en embrassant sa sœur, sentent le désir, sentent que le désir se réveille en eux. Ils sentent des sensations, ils sentent l'envie d'avoir un rapport avec elle. Celui-là, comme on dit les hommes de science, doit s'abstenir d'embrasser ou de serrer la main même à sa sœur. Parce que c'est très dangereux pour lui. Parce qu'il va tomber dans quelque chose que l'Asphanantala n'aime pas et n'agrée pas à l'inceste. Hein? Quelque chose de maudit par Allah subhanahu wa ta'ala. Et les histoires sont nombreuses à l'islam. Combien le frère il sort au travail, le mari sort au travail, son frère il arrive. Comme dans les coutumes marocaines. Et combien de femmes, hein, préféraient le frère à son mari? Et ils ont eu de rapports avec. Combien de jeunes ont eu des rapports avec leur sœur? Et c'est pas, il était une fois dans les nuages. C'est une réalité. Je connais une histoire réelle dans ce groupe qui, le Globetrotters de, hein, de la planète, la Jamaat Tabligh. Cette histoire, il date de plus de 30 ans maintenant, au plus. L'homme est parti. Le garçon de la maison, qui est le frère de la sœur, a ramené, à l'époque c'était les vidéos, les cassettes. Il a ramené un film, A'oudou Billah. Il l'a mis. Il était en train de regarder, sa sœur regardait aussi. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ils ont eu le rapport avec. Les autorités se sont mêlées de l'histoire. Un enfant est né. Il est là, il existe. Quand j'ai raconté cette histoire aux étudiants à la Moussalla du campus, au nord à Villeneuve-d'Ascq, un est venu me voir, il m'a dit, je connais ce garçon qui court dans la cité maintenant. Hein? Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala interdit quelque chose, khlas, le haram, qu'est-ce que tu vas faire? Tu viens, tu mets une cassette, tu viens, tu commences à zioter le haram. Hein? Je connais une autre, il était en face de moi. La femme vient se plaindre chez ma femme. Dès que le mari sort, le frère y vient. Il commence à flatter, à la draguer, etc. Et elle, il sort, il se sauve de la maison. Il a parlé à son... Mais c'est mon frère, non, c'est juste mon frère. Il a le droit. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, « L'ham ou l'maut ?» Tu sais ce que c'est que l'ham ? L'ham ou c'est la mort ? L'ham, c'est tous les proches du mari. Parce que Ada, quand il vient à la maison, l'oncle, n'importe qui. Personne ne va dire que Hada, personne ne va avoir du soupçon sur lui. Et pourtant, Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam dit, c'est la mort. Hein? Donc, il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas vendre sa raison. Il ne faut pas anesthésier sa raison. Il faut être éveillé. Et que le danger, tout ce qui nous, les choses desquelles le prophète nous a avertis, sont réelles. Et il faut y faire très attention. Hein? Donc, il n'est pas permis d'embrasser l'ajnabiyat, ni de leur serrer la main, sous n'importe quel prétexte. Parmi les choses qui font pleurer les cœurs éveillés, ce que pratiquent les acteurs, soi-disant, les acteurs musulmans, dont les films et les feuilletons qu'ils appellent les feuilletons musulmans. Ce que ces insensés appellent le théâtre musulman, le feuilleton musulman, le film musulman, le cinéma musulman, etc. Ils prétendent qu'avec cela, ils font dawa, ils font connaître l'islam, ils font connaître les parties, les personnalités de l'islam. L'acteur, pour justifier le baiser qu'il fait à l'actrice, il dit, je suis Omar ibn Abdelaziz, il est Fatima ibn Abdul Malik. Kaddab, Dajjal, menteur. Tu n'es ni Omar ibn Abdelaziz, il n'est pas Fatima ibn Abdul Malik. Vous êtes en train de mentir aux gens. Hein? Qu'Allah nous préserve de l'audace. Quel gros mensonge. Il ne sera jamais né Omar ibn Abdelaziz. Elle ne sera jamais, dans la situation où ils sont, il ne sera jamais Fatima ibn Abdul Malik, la femme de Omar ibn Abdelaziz, rahimahumullah jami'an. Il l'embrasse, la serre dans ses bras, et j'en passe. La perversité. A'oudou billah. C'est comme ça qu'on veut faire connaître l'islam? C'est comme ça qu'on veut faire triompher la religion d'Allah? Ce genre d'ânerie et de stupidité augmente pendant ce mois sacré. Et on attribue cela à l'islam. Et tout ceci est haram. Le haram dans le haram. Malgré les noms qu'il lui donne, feuilleton musulman, théâtre musulman, mode musulman, etc. Peu importe. Dans certains feuilletons, il te présente l'imam Shafi'i, ou l'imam Ahmed, ou l'Aouza'i, ou la Salahuddin, Saladin, celui qu'ils appellent Saladin, dans des situations bizarres, dans des situations que ces grands imams blâmaient durant leur vie. Ils ont eu l'audace même de présenter la sœur du lait du prophète, alayhi salam, chantant et courant dans le désert, cheveux en l'air. Hein? Dans un feuilleton, disons, islamique. Il est obligatoire de faire attention à ce qu'ils appellent les nuits de Ramadan sur les chaînes de télé, même en Europe. Le théâtre musulman, le feuilleton musulman, et ainsi de suite. Il faut faire très attention aussi à cette mode par laquelle notre jeunesse est éprouvée aujourd'hui. Les jeunes musulmans d'aujourd'hui sont éprouvés par une mode a'oudou billah. Les salawats que mettent certains n'ont rien à voir avec le vêtement, ne rentrent pas dans la règle du vêtement légiféré. Ils sont la photocopie du pantalon du non-musulman, avec un petit lifting, pour faire avaler la couleuvre. J'ai envoyé des photos de ces pantalons que certains mettent à Cheikh Arafat. Il m'a dit, a'oudou billah, c'est du tajabou bil koufar. C'est de l'imitation claire et nette des non-musulmans. Et il m'a dit, il n'est pas permis de les mettre en valeur, ni de les mettre, ni de leur faire leur publicité, ni de les acheter. Et ceux qui les fabriquent doivent craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et parmi les aspects regrettables qui n'annoncent pas un grand bien dans notre jeunesse, dans certains de notre jeunesse, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les ramène à leur raison, c'est ces coiffures. Coiffures de certains de nos frères. Hein? Leur aspect, c'est la sunna, mais ils ont des coiffures, a'oudou billah, qaza'u shaytan, des coiffures, imitation au hada'u, aux ennemis d'Allah, ou l'imitation à certains footballeurs auxquels ils sont attachés. Tu vois, la coupe, bien gominée, tout est rasé ici, la barbe, mais la barbe, au lieu qu'elle soit complètement complète, toute cette partie-là, elle est enlevée. L'image d'un footballeur. Tu vois l'amour, où est-ce que le fait d'être attaché à quelqu'un, où est-ce qu'il peut amener? Hein? J'ai vu, durant cette visite-là, j'ai vu des scènes qui déchirent le cœur, qui déchirent les cœurs éveillés. Chez certains, dont l'aspect apparent, et dont les paroles, c'est l'istiqam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Barbe, mais la coiffure, a'oudou billah. Le pantalon, a'oudou billah. Les pantalons taille basse, malgré ils ont une certaine, ils sont un peu larges, mais c'est pas la largeur demandée par la législation. Ils sont taille basse qui fait que, a'oudou billah, quand ils se prosternent, ou quand ils font leur inclinaison, l'ayadan billah. Et nous devons faire très attention. Hein? Et on s'étonne pourquoi les ennemis d'Allah nous écrasent. Pourquoi les ennemis d'Allah s'acharnent sur nous. C'est normal qu'ils s'acharnent sur nous. C'est normal qu'ils nous écrasent. C'est nous qui leur avons ouvert la voie. C'est nous qui avons laissé la voie d'Abu Bakr, de Omar, de Uthman, de Ali, de Muawiyah. C'est nous qui avons laissé, qui avons dévié de la voie. Comment on veut les honneurs, la suprématie, alors qu'on n'a pas pris le chemin et la voie du bonheur et de la suprématie et des honneurs. Hein? Nous devons nous réveiller et arrêter d'anesthésier notre esprit et d'arrêter d'anesthésier nos visions des choses et d'arrêter de suivre n'importe qui, d'imiter n'importe qui. Et nous devons nous éloigner de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit, de ne pas s'en approcher, car demain il est proche, et on rendra des comptes. Et on rendra des comptes, et la chute sera douloureuse, si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous couvre pas de sa sainte miséricorde. Chers frères en Allah, azza wa jalla, chers sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons nous préserver. Et nous devons nous éloigner tous de tout ce qu'on appelle aujourd'hui le monde islamique, les feuilletons islamiques, le théâtre islamique. Ce qu'ils appellent, les frères musulmans, appellent ça les alternatifs. Le soumis à Allah et le véridique avec lui-même et avec Allah ne cherche pas d'alternatif au Coran et à la sunna et à la compréhension du pieux prédisseur d'Allah alayhim. Abadan. Ne cherchent les alternatifs que ceux qui ont des lacunes de leur voix. Et ceux qui ont donné le dos à la voix du noble compagnon de ceux qui les suivent à la perfection. La grande cata, c'est que ceux qui font la pub pour ces âneries prétendent qu'ils jasissent pour l'islam et que ceci c'est un moyen de da'wa et que ces productions de films, de théâtre font connaître les personnalités de l'islam, alors que dans certaines scènes, ils font apparaître les personnalités, soi-disant, qu'ils veulent présenter aux musulmans dans des scènes, que ces hommes, dont leur vie blâmée, rahimahumullah. Fana'oudou billahi min al-hawr ba'd al-kawr. Et il n'y a aucun doute que cela sert la jeûne des ennemis d'Allah. Qui parmi nous accepterait que sa femme ou sa sœur ou sa fille soit dans les bras d'un autre homme. Dans un film, ou sur la scène d'un théâtre, ou dans un feuilleton, pour soi-disant servir et connaître l'islam, hein, qui accepterait? Il faut être déyoute pour ça. Déyoute, c'est celui qui accepte que sa femme va avec n'importe qui, à sa vue, sa sœur, sa fille, il n'y a aucun mal pour lui. Mais malheureusement, pour certains, la situation est devenue des plus graves. Plus aucun sentiment de jalousie pour leur femme. Certains réalisateurs, des fois c'est leur femme et l'actrice principale du film, et lui dit « Je veux que tu rentres dans la peau de la personnalité, hein, que tu représentes. Quand tu embrasses l'acteur, fais comme si je ne suis pas là. Il faut intégrer la personnalité que tu joues. » Où est la jalousie pour ces femmes? Même si c'est le film, comme vous prétendez, il est pour la promotion de l'islam ou pour faire connaître des personnalités musulmanes. C'est comme ça qu'on va faire la promotion de l'islam. C'est comme ça qu'on va faire connaître les personnalités de l'islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Ceci est un déshonneur. Et on s'étonne d'être au plus bas degré des sociétés actuelles. Il n'y a rien d'étonnant. Il n'y a rien d'étonnant. Hein? La situation est comme il a dit Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, arda. Nous étions au plus bas degré de l'échelle. Allah nous a élevés et nous a honorés avec l'islam. Si nous cherchons les honneurs et l'élévation dans autre que l'islam, Allah nous rabaissera. Et regardez notre situation. Et faites très attention. L'islam dont il parle, ce n'est pas l'islam des tendances déviantes. C'est l'islam duquel a dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, la voie sur laquelle je suis moi et mes nobles compagnons. Rasoul Allah al-Azim, Rabbul Arsh al-Azim, bi asma'i al-husna, wa sifati al-ula, an ij'alna wa iyyakum, min alladhina yastami'una al-qawla, fa yattabi'una ahsana, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh, wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli Allahumma wa sallim wa barik, على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيراً.